Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Bienvenue comme tous les mardis depuis bientôt 20 ans. Donc vous connaissez ce qui vous attend un petit peu ce soir, comme d'habitude. Donc 2 heures de métal en fusion pour décrasser les oreilles et nous redonner la pêche jusqu'à la semaine prochaine. Donc ce qui vous attend ce soir, eh bien, quelques nouveautés qui seront au nombre de 4. Des petites vieilleries aussi que je nous ai ressorties de temps en temps. Et puis bien sûr, je vous dirai quelques mots de l'excellent concert que les Danois de Volbeat nous ont délivré dimanche dernier dans un zénith parisien assez survolté, on peut le dire quand même. Il faut dire que Volbeat en concert, c'est vraiment une machine de guerre. Bon, ben voilà, grosso modo, donc ce qui vous attend, un petit survol de tous les genres et tous les sous-genres donc, qui composent notre style musical préféré. Eh bien, on va commencer tout de suite avec le groupe belgo-mexicain, mexicano-belge, on va dire, qui est Midnight Mares et que je vous avais présenté la semaine dernière et qui fait partie des disques que j'écoute le plus en ce moment, avec ce projet du guitariste Gio Smet. C'est le deuxième album donc, qui s'appelle Mortalis, et donc mélange de dark, de metal symphonique, très très bien foutu. Et on va écouter le morceau Conso. Alors, excusez-moi pour la prononciation, c'est Consors Diaboli. Sympa comme mise en bouche, hein. Midnightmares avec Consorts Diaboli, extrait donc de leur deuxième album Mortalis. Voilà, donc ça, c'était bien pour chauffer l'émission de ce soir. On va se faire maintenant la première nouveauté de la soirée avec le nouvel album de Jelusic, Dino Jelusic, chanteur croate qui s'est fait connaître là il y a quelques années auprès du grand public et qui depuis attire quand même l'attention sur lui. Il faut dire que non seulement le gars est très prolifique, mais il s'est surtout fait reconnaître parce que ça a été la doublure vocale de David Coverdale sur les derniers concerts de Whitesnake, sur sa dernière tournée avortée d'ailleurs de 2022, où il n'a pas pu aller jusqu'au bout, par son timbre vocal d'ailleurs très proche de la légende anglaise. Mais malgré tout, il a quand même son propre style. Et là, il vient de nous sortir un nouvel album qui s'appelle donc Apocalyptical Ecstasy. Et d'ailleurs, si vous avez été à l'époque au Rockin' Rebrech de 2023, il était à l'affiche puisque l'ami Arnaud l'avait fait venir à ce moment-là. Et personnellement, je n'y étais pas, mais apparemment, d'après les échos que j'ai eus, les spectateurs qui avaient été là avaient pris une belle claque dans la figure. Un petit extrait donc de cet album dont vous allez voir, on est quand même très éloigné de l'univers de Whitesnake, donc qui s'est, comme je vous disais, sorti au mois de septembre, c'est Apolitical Ecstasy, et on va écouter un morceau qui s'appelle Power to the People. We'll be right back. Catégorie 7. Catégorie 7, c'est ce qu'on appelle un super groupe composé entre autres de John Bush, ex-chanteur d'Anthrax et chanteur de Armored Saint, de Mike Orlando à la guitare, qui faisait partie d'Adrenaline Mob, si ça dit quelque chose, de Phil Kemmel, ex-Machine Head, et puis actuellement qui est donc deuxième guitariste avec Kerry King, Jab Gibson d'Exodus, je crois, si mes souvenirs sont bons, et le batteur, je crois que c'est Jason Bittner, c'est ça, qui faisait partie d'Overkill. Quand même du très beau monde sur ce super groupe, donc Catégorie 7, qui a sorti un album éponyme l'année dernière. In Stitches, qu'on vient de s'écouter. Juste avant, eh bien, ça s'est sorti donc au mois de septembre dernier, le nouvel album de Dino Jelusic, Apocalyptical Ecstasy, et on a eu droit à Power to the People. Maintenant, on va se faire un truc beaucoup plus rock'n'roll et on va faire un petit bond dans le temps. On va monter la DeLorean et faire un petit bond dans le retour vers le futur. Et on va revenir au double live de Little Bob Story, Last Night in Paris, enregistré donc en 88 à la Cigale à ce moment-là, et qui est sorti donc l'été dernier. Et on va se faire deux petits brûlots. Tout d'abord, une petite reprise d'un classique de rock, enfin classique, d'un morceau qui a été écrit en 1960, mais qui a eu beaucoup plus de succès par sa reprise des Clash en fin des années 70 ou début des années 80, je sais plus très bien. C'est I Fought the Law. Et I Fought the Law, moi, pendant longtemps, j'ai longtemps cru que c'était un morceau des Clash avant de découvrir que finalement, pas du tout, que ce morceau avait déjà de la bouteille bien avant que les Clash ne le reprennent. Donc, repris par la légende du rock français Little Bob Story, voilà ce que ça nous donne. En live, bien sûr, s'il vous plaît. We'll be right back. Waouh, bien Destroy, bien rock'n'roll. Donc la légende Little Bob Story avec donc son classique, le grand classique Riot in Toulouse, et avant sa reprise de ce grand classique de rock, I Fought the Law, et c'est tous deux extraits donc de son live Last Night in Paris, sorti cet été et enregistré le 28 mars 1988 à la Cigale à Paris. Ouais, ça ne nous rajeunit pas quand même. Un truc un peu plus moderne maintenant, un peu plus actuel avec le nouveau EP de Mantrax, Human. Et on va se décrasser les oreilles avec le morceau Talion. Précipice, ben c'est le titre du premier album de Inkythera, et là c'était donc Versus, juste avant Inkythera. Mentrat, c'est son EP Human, et on a écouté donc le morceau Talion. On va se faire la deuxième nouveauté de la soirée, pour ça je vais vous emmener à notre continent, à l'autre bout du monde, au Mexique exactement, avec le premier live de The Warning. The Warning, c'est un tout jeune groupe mexicain, qui a déjà 4 albums sous sa besace, quand même 4 albums studio, et mené par 3 frangines, les toutes jeunes sœurs Villarreal, qui commencent maintenant à se faire vraiment un nom. D'ailleurs, je pense que leur prestation au Hellfest leur a ouvert pas mal de portes récemment, et ainsi que leur concert sold out à l'Olympia l'année dernière. Le dernier album, Keep Me Fed, je sais que moi je ne connaissais pas avant ce qu'ils avaient fait, j'avais beaucoup apprécié ce mélange de pop énergique très rock. Les fans de la première heure avaient trouvé que c'était moins métal, ce qui est possible. Je ne connais pas, comme je vous disais, les albums précédents. Toujours est-il qu'en live, bah, ça déchire tout quand même, ça déchire tout. Donc ce live sorti cet été est un double. Il s'appelle, alors je m'excuse pour mon espagnol parce que ça date de ma troisième, hein, j'ai pas repratiqué depuis, En Vivo Desde el Auditorio Nacional. Ben, il y a l'intégralité du dernier album, plus un best-of des 3 précédents. Tout ça dans une ambiance de folie, enregistrée donc chez elle au Mexique, dans un stade vraiment survolté. Et quand on sait l'âge qu'elles ont, c'est-à-dire même pas 25 ans, ben, je pense que tout l'avenir est devant elle, et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Extrait donc de ce double live sorti cet été, deux petits brûlots. Tout d'abord, Escapisme. There is something to be wasted to feel something. Bien sûr, Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est bien Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h. On était au Mexique à l'instant avec dans le chaudron de, je sais pas où c'était enregistré, si c'est à Mexico ou à Cancun, je ne sais pas trop. Extrait donc du double live En Vivo desde el Auditorio Nacional de The Warning. On a eu Apologize et Escapism, vraiment. Deux petits brûlots, avouez qu'elles ont vraiment la pêche. Moi, ça me fait penser presque à du Hellstorm. Donc, je pense que tout, comme je vous le disais tout à l'heure, l'avenir leur appartient à ces trois jeunes filles. Revenons maintenant en France avec le groupe Rect et son premier EP Tunnel Vision, groupe qui nous mélange un mélange de Tool, Mastodon et Gojira, le tout assez, de façon assez épique, avec le morceau qu'on va s'écouter, c'est Midnight Fire. Wrecked avec Midnight Fire, un extrait de leur premier EP Tunnel Vision. Ouais, quand même, ça tient la route. Et bien maintenant, Mathias, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous parler un petit peu du concert de Volbeat, donc dimanche dernier, dans la Zénith, en petite configuration certes, mais sacrément bien remplie, c'est-à-dire c'est plutôt bon signe, parce que il y a 3 ans, quand je les avais vus au même endroit, même dans la même configuration, ben je peux vous dire qu'on se marchait pas sur les pieds, et que là, il y avait carrément le double de personnes. C'est tant mieux, parce que ça prouve que le groupe gagne en reconnaissance. Sinon, bah, les premières parties, alors j'attendais avec une certaine impatience Witch Fever, qui a remplacé au pied levé le groupe Gel, qui était annoncé initialement. Witch Fever, dont j'avais découvert quelques singles sur YouTube, qui nous propose une sorte de grunge noise assez abrasif. Par contre, sur scène, je dois avouer que j'étais déçu. Disons que les filles sont très jeunes et je trouvais que c'était une trop grande scène pour elles. Par contre, je pense que dans un club, ça doit le faire. Par contre, surtout, je comprends pas encore qu'en 2025, on serve un son aussi exécrable pour une première partie où la guitare était complètement inaudible. Et une basse complètement sursaturée qui couvrait tout le reste. Je trouve ça dommage parce que c'était impossible de se rendre compte de quoi que ce soit. D'ailleurs, l'accueil plus que glacial qui a eu lieu, enfin, elles ne sont pas fait jeter non plus. S'il y avait eu un son meilleur, je pense que ça aurait pu faire quelque chose. Bref, à revoir dans de meilleures conditions. Ensuite, il y a eu ce groupe des années 90, Bush, dont j'avais entendu parler à l'époque, que j'avais très peu écouté. Je dois avouer que ça ne m'avait pas transcendé plus que ça. Je suis resté un peu sur la même impression, même si je dois reconnaître que ça tient très bien la scène. Il faut dire que les gars ont quand même du métier quand même. Le chanteur vient de fêter ses 60 ans quand même, excusez du peu. Et bon, il y avait quand même pas mal d'amateurs aussi. Bon, le groupe s'est bien joué, le chanteur a beaucoup de charisme. Il a traversé tout le Zénith quand même pour serrer la louche à pas mal de gens, c'était assez sympa. Une reprise des Beatles assez furieuse qui était le Come Together aussi. Et comme par hasard, le son aussi s'était sacrément amélioré. Quant à Volbeat, bah alors là, si vous les avez déjà vu, c'est une machine de guerre. Ce qui manque un peu, c'est de la spontanéité. Mais malgré tout, Michael Poulsen sait comment jongler avec le public. Je me serais attendu à avoir un petit peu plus d'extraits du dernier album. Mais enfin bon, tout le reste de leur classique était là. C'était comme le principal. C'est vrai qu'après 9 albums, ça commence à faire beaucoup. Pas de rappel, par contre, 1h30 vraiment pied au plancher. Et voilà, donc un bel éclairage somptueux. Et vraiment un groupe, ça, si vous n'avez pas la pêche, allez les voir, vous ressortirez de là, vous aurez la banane. Pour se replonger dans l'atmosphère de ce soir, tiens, on va se passer The Devil's Bleeding Crown, extrait donc qui était sur Seal de Deal. Et on va se la faire en version live, extrait donc du live Let's Boogie, live from Talia Parken, enregistré en 2017. C'est-à-dire c'est le morceau donc qui ouvrait le concert dimanche. Ça, c'était Volbeat, extrait donc du live From Beyond Hell Above Heaven. D'ailleurs, c'est avec ce morceau que le concert a terminé. Morceau qui, à l'origine, figurait donc sur le premier album de Volbeat, The Strain, The Sound, The Songs, sorti il y a 20 ans déjà, quand même. Autre classique de Volbeat, The Devil's Bleeding Crown. Et là, enregistré live aussi, extrait du Let's Boogie Live From Telia Parken, sorti en 2017. Ouais, putain, je me croyais encore au concert hein, en fermant les yeux. Eh bien, le temps passe, on a attaqué la deuxième heure d'Electric Shock. On va se faire donc la troisième nouveauté de la soirée avec un groupe qui nous vient de Nantes qui s'appelle Les Hommes Crabes. Alors là, avec un nom comme ça, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être? Alors Les Hommes Crabes, c'est un trio qui nous vient donc de Nantes, qui nous propose un rock de métal alternatif très années 90, nourri de toute cette époque où rock, métal, pop, grunge, tout ça, noise, tout ça, ça cohabitait de façon un petit peu, comment dirais-je, ouais, très instructive. Donc là, ils viennent de sortir leur premier album après avoir sorti deux EP, le premier qui s'appelait Panier de Crabe et le deuxième Excès Crabe. Donc là, celui-ci s'appelle Galax 51. Donc Galax, si vous vous souvenez, c'est ce chocolat qu'on mangeait à l'époque. Oui, je ne sais pas s'il existe encore quand on était gamin. Et 51, bon, on pense au pastis. Vous imaginez, vous trempez un morceau de chocolat dans du pastis, ben, je pense qu'ils en seraient capables. Musicalement, on peut le dire que c'est un peu ça, quelque part. Eh bien, on va découvrir donc cet album avec le morceau Just a Spawn. off the street, you never listen. I don't know how to put this out and let it loose. I need air, need to see my breath. Cold nights help me before, 'cause I'm not coming back. Just I'm out of the moon, start it up from scratch. Groupe qui nous vient de Toulouse avec I've Been Waiting, et I've Been Waiting c'est le titre de leur EP actuellement. Juste avant la troisième nouveauté de la semaine, ils nous viennent de Nantes, les Hommes Crabes, leur premier album Galak 51, c'était Just Spawn. On va se faire quelque chose d'un peu plus heavy maintenant et on va continuer notre tour de France puisqu'on va aller faire un tour en Alsace du côté de Mulhouse, retrouver Sir Daria et son nouvel album Dark Carousel qu'on vous a passé déjà quelques extraits depuis plusieurs semaines. Et on va passer un morceau et, typiquement heavy metal qui s'appelle Pogo. Toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, c'est bien Electric Shock. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Et ben voyez-vous, sans bouger le cul de notre fauteuil, on voyage à travers le temps et l'espace. À l'instant, on était au Brésil avec le groupe Métamorphose, groupe qui existe depuis les années 80. Et là, on s'est fait un petit extrait de leur album Furia dos Elementos, qui était sorti en 2016 avec Corda Bamba. Plus proche de chez nous et aussi dans le temps, puisqu'ils viennent de Mulhouse et que leur album Dark Carousel est sorti il y a quelques semaines. C'était donc le morceau Pogo. On va continuer maintenant toujours avec du hard rock français avec le groupe Métral et son troisième album Foualier sorti le 10 octobre dernier. Et on va écouter le morceau Égaré. Maintenant, avec lequel on va attaquer donc la dernière demi-heure d'Electric Shock. Et tiens, j'en profite pour vous dire que ne ratez pas la semaine prochaine, car Electric Shock, le 11 novembre, sera bien présent et surtout célébrera ses 20 ans. Et oui, excusez du peu quand même. En attendant, égarons-nous, puisque Foualier Métral est égaré. We'll be right back. Hard Rock, ça c'était Métral avec un extrait de son troisième album Foualier, et c'était donc Égaré qu'on vient de s'écouter. Eh bien, on va se faire maintenant la dernière nouveauté de la semaine avec le nouvel album de Mammoth. Mammoth, donc le groupe de Wolfgang Van Halen, le fils du regretté Eddie, qui poursuit son petit bonhomme de chemin et qui a pu récupérer donc le nom du groupe de son père, puisque pour la petite histoire, avant de s'appeler Van Halen, le groupe s'appelait Mammoth, mais le fiston n'a jamais pu au départ avoir le nom correctement, parce que pour des questions de droit, c'est pour ça que ça s'appelait Mammoth WVH, mais voilà, apparemment le problème est résolu maintenant. Donc il nous sort son troisième opus qui s'appelle The End. J'espère simplement que ce ne sera pas le dernier, bien au contraire. Alors comme toujours, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est lui qui fait tout, guitare, basse, batterie et chant, bien sûr. Et toujours produit par le même producteur, hein, toujours le même, hein, c'est-à-dire Michael Basquet, le producteur également d'Alter Bridge, des projets solo de Tremonti, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Donc on est toujours dans la même lignée. Si vous avez aimé les deux précédents, vous allez apprécier évidemment cet album, qui pour ma part, je dois avouer que les deux précédents m'avaient vraiment foutu une belle claque. Bah, celui-ci, un peu moins quand même. Et attention, hein, quand je dis ça, ça reste très très bon, ça reste. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un côté peut-être un petit peu moins travaillé que sur les précédents, et du coup, je trouve qu'il manque un petit quelque chose, mais ça reste quand même du très très bon, et en live, ça devrait le faire. On se voit un petit extrait de cet album qui s'appelle One of a Kind. Madman Sing Alone, ça c'était un extrait du dernier album des Suisses de Earth Machine, New Blood. Juste avant Earth Machine, bah, c'était Mammoth, le projet du fiston Wolfgang Van Halen, fils de du regretté Eddie, avec son dernier album The End, qui est sorti là il y a 8 jours, et c'était One of a Kind. Et c'était également la dernière nouveauté de la soirée. Bah tiens, en feuilletant les annonces de concerts, j'ai vu que Marilyn Manson faisait son grand retour au Scénic à Paris mardi prochain. Au Zénith, ça devrait promettre. Je pense que maintenant qu'il est débarrassé de ses démons et que, bah, apparemment, il a l'air de retrouver du poil de la bête, on va se remettre un petit peu dans l'ambiance de ce qu'il peut nous donner. Et on va se faire un petit extrait de son unique live qui était sorti en 1999, The Last Tour on Earth. Et on va se faire un petit classique qu'il définit bien, c'est Antichrist Superstar. Beautiful People et Antichrist Superstar, donc deux grands classiques de Marilyn Manson, extraits de son unique live The Last Tour on Earth, sorti en 1999. Ouais, ça date un peu. Et Marilyn Manson, donc, qui sera en concert mardi prochain au Zénith à Paris. Mardi prochain, par contre, ne ratez surtout pas Electric Shock, ce sera les 20 ans de l'émission. Et bien, on va se faire un dernier morceau avec une des dernières nouveautés, avec une énième compile de Scorpion pour leurs 60 ans de carrière. compile qui n'apporte pas grand-chose, parce que sur 30 morceaux déjà, vous avez 15 ballades, et le choix des titres est, assez... affligeant, enfin il y a du bon, il y a à manger, enfin bon bref, d'ici une quinzaine de jours par contre sortira un live de cette tournée, je pense, beaucoup plus intéressant. Le seul truc qui peut bénéficier de votre intérêt, c'est que sur ce live il y a donc deux inédits, il y a une version live de Still Loving You qui a été enregistrée à Taratata en 96, et surtout une version inédite de This Is My Song, un extrait donc de l'album Fly to the Rainbow, enregistré à une télé allemande en novembre 73, et c'est avec ça d'ailleurs qu'on va se quitter. I can't believe what the people say. It's only hate everywhere. So many people go different ways. So many things are my care. This is my song, live à une télé allemande enregistrée en novembre 73. Ça, c'était un des deux inédits de la compile From the First Thing de Scorpion. Donc, compile qui est sortie donc pour leurs 60 ans de carrière. Et ce sera également donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Et d'ailleurs, ne ratez pas Electric Shock la semaine prochaine. Je vous dis, c'est les 20 ans de l'émission. Donc, j'espère que vous serez tous là. Et j'espère que vous êtes toujours là sur Radio Arc-en-Ciel à Midnight Clubbers parce que Electro Live va commencer maintenant. Salut! Salut, bonsoir à toutes et à tous. Quel est le programme ce soir? Une session old school, un mélange de boîte tech house, le funky house, mais beaucoup mélangé. En fonction de la forme. Voilà, donc bon. Plein de choses intéressantes, comme toujours, voilà. Donc, la musique, c'est sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, à Midnight Clubbers, Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Yes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!